Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. J'espère que ce sera suffisamment et correctement audible, parce que je commence à avoir la crève au moment où j'enregistre l'émission. Donc voilà, j'espère que ça n'entachera en rien la qualité de ce que je vais vous dire. La qualité du propos, ça c'est encore autre chose, mais en tout cas, on est sûr de retrouver bien la qualité de diffusion musicale. Encore une petite pléiade de nouveautés dans l'émission de ce soir. Pêle-mêle à l'international et en France, on retrouve les excellents Year of the Knife, Hoplite, The Great Procession, Lomor, Pest Control et autres. Voilà, qui viendront encore enrichir et embellir la diffusion de ce soir. Diffusion qu'on commence immédiatement avec une doublette déjà bien établie, un Sanguic Sugabog enchaîné avec Imperium Decadence. Pour présenter les deux versions, Sanguic Sugabog, ça fait partie de cette vague assez récente de death metal qui nous vient des États-Unis. Le groupe est actif depuis 2019, il sort là son second album studio, une sortie Century, un death metal bien lourd et bien gras. Le tout rehaussé de la violence qu'on aime, et en doublette, donc le groupe de Black Atmo qui nous vient d'Allemagne, Imperium Decadence. Là, la formation nous sort son 7e effort studio. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le groupe est toujours aussi qualitatif hein, et prolifique. Un black metal de base, mélancolique même, avec des passages toujours aussi black metal et donc dévastateurs, et des compos toujours aussi généreuses qui oscillent entre 5 et 8 minutes. Sanguis Sugabog, l'album s'intitule Homicidal Ecstasy, on s'écoutera le titre Skin Session, Imperium Decadence, Elysian Field, extra d'album Into Sorrow Evermore. C'est parti, et bienvenue à toutes et à tous dans l'émission. Suivante première nouveauté dans l'émission de ce soir avec les excellents Year of the Knife, la jeune formation américaine nous démoule là un petit EP 3 titres. Voilà, ça fait suite à l'album paru en 2020. À noter que maintenant, putain, j'ai bouffé son nom. Elle tient seule le chant dans Year of the Knife. Elle est ultra agressive, un chant death grind et hardcore as fuck, un petit 3 titres efficace, radical, voilà, 3 compos qui enfoncent tout pour voilà, ce nouvel effort studio de Year of the Knife. Je vous les recommande vivement, aussi bien sur scène qu'en studio. Et en doublette avec Year of the Knife, Liv Sin, le nouveau projet de Liv Yergrel, vocaliste bien sûr de Sister Sin, qui a lancé son projet solo il y a quelques années. Voilà, nous sort un nouvel effort studio sous son propre nom. Une recette globalement assez péchue, où se mêlent allègrement old school et revival. Hein, on est sur un heavy hard qui va même chercher du côté du metalcore melodeath à la sauce Parkway Drive. Puis voilà, ça reste toujours bien fait et bien produit. Livesyne, Year of the Knives, on s'écoutera le titre Control C, extrait de l'EP Dust to Dust. Livesyne, le morceau The Swarm, extrait de l'album Kali Yuga. C'est parti. Yeah! de soi. Suivante, encore une nouveauté, Tension Prophecy. C'est une découverte pour nous, puisque Tension Prophecy, c'est un groupe de death metal qui existe depuis une quinzaine d'années, et ils nous viennent d'Iran. Ils sortent là leur quatrième effort studio en tant qu'album, et au passage, ils signent chez Amputated Vein Records. Premier album qui voit le jour depuis 2015, 35 minutes pour 9 compos. Tension Prophecy, c'est fait donc du death metal, qui va chercher de manière assez large et généreuse du côté du tech, du brutal death, du death plutôt groovy. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur la formation? Il y a même des intégrations de sonorités moyen-orientales, hein, forcément le groupe venant d'Iran, voilà, ce qui rajoute un petit peu à la variété musicale que peut proposer Tension Prophecy. Et en doublette avec la formation iranienne, nous aurons les Portugais de Sonelion. Le groupe actif depuis 2008 vient tout juste de sortir son deuxième album. Bon, entre temps, il y a eu des EP et des splits. On est sur du black folklore satanique à la sauce Fegor première période. C'est assez bourrin, c'est haineux, c'est malsain. Et au passage, Sonelion désigne le démon de la haine. Voilà, c'est ce qui va directement inspirer le nom de leur nouvel effort studio. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Eh ben rien. Présentation de la musique maintenant. Tension Prophecy, le morceau Intrinsic Fear, extrait de l'album Tribal Hatred, sorti donc chez Amputated Vein Records. Et Sonelion, The Great Fall, extrait de l'album The Demon of Hate. Et c'est parti. Here comes the fruit. World and Man, Free Road, c'est les deux groupes qu'on va s'écouter dans la doublette suivante. World and Man, c'est une formation japonaise venue de Osaka, existant depuis presque 10 ans. Ils nous proposent un mélange hardcore, death metal et même deathcore old school sur les bords. Ils viennent juste de sortir leur second effort studio, 10 compos pour 25 minutes. C'est court, c'est brutal, et parfois même avec des inspirations down tempo. C'est ultra solide à peu près tous les niveaux. On peut également préciser que le vocaliste de World and Man est passé récemment par des sessions live au sein de Stage of Decomposition et Devour the Unburn. Voilà, ça fait toujours cool sur le CV. Et World and Man, ça nous permet de patienter jusqu'au prochain effort studio de Krulty. Et ça le fait plutôt bien. Free Road ensuite, un groupe de Heavy Hard qui nous vient du Mexique, actif depuis 5 ans maintenant. Ils sortent là leur premier effort studio. C'est bien old school, bien d'inspiration 70-80. Et voilà, c'est tubesque et entraînant. Et c'est fait avec sincérité, surtout la musique de Free Road. World and Man, le morceau Bad Testimonies, extrait de l'album Suffer Leader. Et Free Road, 5 Hours to Mexico, extra album Do What You Feel. A noter au passage une très bonne sortie donc, Dying Victim Production. Yeah! les doublettes suivantes, 0 tendresse, 0 tolérance avec Anachronisme et Strike Each Other, Anachronisme tout d'abord. Formation qui nous vient de Suisse, on est dans du bon vieux death metal bien efficace. Dans le line-up, on retrouve le batteur Florent Duployé, qu'on a notamment pu croiser dans, entre autres, Kakota Nazi. Et son binôme, c'est Lisa, guitariste et vocaliste de la formation. Puis on a un session basse, un session gratte. Voilà, c'est assez rare de retrouver une femme dans ce registre musical, hein, parce qu'on est sur du death qui va chercher ses inspirations du côté de Gorguts et Ulcerate. Alors ça reste quand même moins massif et plus digeste, mais ça cogne quand même bien sévère. Et le groupe en doublette avec Anachronisme, Strike Each Other, c'est un groupe de hardcore, metal hardcore qui nous vient d'Ukraine, formé il y a une bonne douzaine d'années. Ils viennent de sortir un nouvel EP, 6 compos inédites et 3 rééditions. Voilà, cet EP est probablement le dernier de la formation, parce que c'est un peu flou, est-ce que c'est un split, est-ce que c'est une pause. Dommage, c'est encore un groupe très qualitatif, mais bon, malheureusement, tenez la situation actuelle en Ukraine, ce n'est pas très surprenant. Anachronisme, on va s'écouter le titre Prism, extrait de l'album Meander. Strike Each Other, le morceau Justice, extrait de l'EP The Final Mixtape. C'est parti. L'aspect française, Accord et Dark Hole Slaves. Alors là, on fait un grand écart géographique en France, mais on reste dans du métal extrême. Accord, la formation phocéenne, nous sort un nouvel EP, Cryptic Curse. On est toujours sur du Black Death assez grandiose, avec des orchestrations qui donnent une dimension très épique et dramatique à la musique de Accord. Toujours dispo via Les Acteurs de l'Ombre, et en doublette nous aurons les Lillois de Dark Hole Slaves, le groupe de Brutal Slam Death qui nous sort un excellent Mephitic Redolence of the Decomposed, une sortie sur label américain New Standard Elite, clairement les pontes en la matière de Brutal Slam Death. Revealed Through Creation, c'est le titre de Dark Hole Slaves, l'album est ultra qualitatif, et juste avant ça, Accord avec le morceau The Hourglass Slaves, extrait du nouvel EP, et c'est parti pour attaquer l'aspect française.